La première fois que j'ai vu la scène éclairée dans le nord, j'avais du mal à croire que cette fois c'était pour moi. Mon frère venait d'avoir sa première caméra. J'suis monté sur scène et le micro marchait pas. Depuis chante comme s'il pouvait s'éteindre à jamais. Et dire qu'à la base j'assumais même pas de rapper. J'pensais rien faire d'autre que des freestyles en soirée. Y'a des endroits où t'oses même pas avoir des rêves. Et puis tu rencontres quelqu'un comme Scred. Il m'a dit tout est possible, faut juste un plan. C'était il y a 20 ans, quand j'y repense maintenant. Je repense au stress, je repense au tout. À ce qu'on a perdu en route. Quand on dansait au bord du gouffre. Quand plus personne croyait en nous. Je repense aux fois où j'ai failli lâcher. Les turbulences, on s'est jamais craché. Tu sais, je suis pas du genre à m'enfermer. Mais on a gagné. J'étais tout seul, on est des milliers. J'étais tout seul, on est des milliers.